L'adoration des mages, par Paul Bourget. À peine entré dans l'atelier, mon œil fut pris par un panneau qui ne m'a permis plus d'aller plus loin. Très mince et très large, il avait dû faire partie d'une predella, comme les vieux maîtres italiens ont peigné avec tant d'amour au bas de leur vaste composition d'autel. La couleur en était à la fois éclatante et foncée, rembrunie et rayonnante. C'était un de ces chefs-d'œuvre primitifs qui tiennent du missel et de l'orfèvrerie. L'or fin des auréoles et des broderies miniaturées s'y détachait en relief légèrement stucqué. Avec cela, tout l'ensemble, le panneau représentait une adoration des mages, révélait le plus sévère souci d'art. Le milieu était occupé par un intérieur d'étable où se voyaient l'âne et le bœuf, attachés au licou et rêvant paisiblement côte à côte. La Vierge, admirable de pureté idéale, et pourtant pareille à une gentille dame de Florence, assise sur le devant, tendait le bambino au plus âgé des trois mages, et celui-ci, agenouillé, les mains jointes, sa couronne en terre, effleurait le pied nu du sauveur de sa noble barbe grise. Un second roi, plus jeune et enchant un peu dans des chausses mi-parties violettes et oranges, offrait du bout de ses doigts fuselés un calice fermé, tandis que la face basanée du roi nègre apparaissait à côté, encadrés de fourrure. D'autres personnages assistaient à cette scène dans leurs costumes de riches seigneurs, avec ce mélange de fastuosité opulente et de dévotion recueillie qui donne un attrait de pittoresque à la fois et de ferveur aux tableaux religieux de la première Renaissance. Là-bas, des deux côtés de la pauvre étable, des lointains se profilaient, en montagnes bleues, en cyprès noirs, en villes crénelées, le plus doux et le plus exact des paysages toscans. Sur le lacis des routes grises, défilaient par caravane les chameaux chargés de coffres, et au-dessous, en lettres comme ciselées, tant le guilloché de l'or était délicat, se lisait l'inscription évangélique « Et apertis tesoris, obtulerunt, et aurum tus et miram ». Ce qui achevait de donner à cette peinture une étonnante saveur de contraste, c'étaient les études avoisinantes où se reconnaissait le maniérisme frelaté du maître du logis. J'ai oublié de dire que l'atelier où flamboyait cette adoration, d'une telle virilité dans la grâce, était celui de Maxime Foriel, le portraitiste attitré de la Parisienne d'aujourd'hui. Sur les murs et sur les chevalets, 20 silhouettes mutines et lutines se détachaient. Ici, d'une patineuse, la bouche plongée dans la zébline de son manchon, là, d'une grande dame descendant l'escalier de l'opéra, et jetant un mot par-dessus son épaule à un attentif qui le remet son manteau. Ailleurs, une baigneuse, vue de dos, essayait l'eau de son bain avec la pointe de son pied frileux. Il y a dans l'art de Maxime un rien de libertinage mignard qui trahit la trop habile, la trop savante entente du succès. Le vice, hélas, de ce peintre remarquablement doué qui aura vécu de la mode et qui risque d'en périr. Mais est-il conscient de cet esclavage devant l'opinion? Calcule-t-il cette constante et adroite poursuite de la vogue, cette flatterie envers le plus frivole des publics, celui des belles et belles oisives du monde et du demi-monde? Ses ennemis affirment que oui. Je crois, pour ma part, que non. J'en eus la preuve, une preuve convaincante, me semble-t-il, dans l'anecdote qu'il me raconta sur ce panneau florentin, dont la seule présence parmi ses ébauches était la vivante condamnation de toute son œuvre à lui. Et puis, s'il était vraiment le maigre coureur de réclames que flétrissent ses envieux, Maxime aurait-il gardé, malgré le succès, malgré la fortune, cette bonhomie qui rit dans ses yeux d'un bleu si clair, la cordialité de sa poignée de main, sa physionomie si jeune, qu'à 37 ans, avec ses joues pleines et roses, ses blonds cheveux sans un fil d'argent, sa taille mince, on lui en croirait à peine 26. Non, c'est un artiste qui aime à séduire aussi naturellement que d'autres aiment à choquer, qui s'accommode aux exigences des marchands comme d'autres se révoltent contre elle. Et justement, cette complaisance et cette soumission apparaissaient dans son récit, en antithèse saisissante avec un tempérament de doctrinaire rebelle, toujours en lutte avec la sottise ou la médiocrité. C'était de quoi donner une portée plus générale et plus significative à une aventure qui par elle-même n'eût été qu'un épisode, entre 100 autres, d'un voyage au-delà des Alpes. Nel bel paese, la dove il si suona. « Tu ne devines pas le nom du peintre ?» me disait-il, comme je m'hypnotisais devant le petit panneau florentin. « Ne sois pas honteux, il est mort très jeune. Il est représenté, à ma connaissance, par 8 morceaux dans les musées d'Europe, 1 au Louvre, 4 à Florence et à Milan, 2 à Rome, dans la galerie Doria Pamphili, 1 à Londres. Tu vois le 9e, c'est Francesco Pesellino, un élève de Fra Filippo Lippi. Il en déniche encore des chefs-d'œuvre comme celui-là, dans l'Italie de 1896, sans être un millionnaire américain. Mais oui, cela date de mon séjour à Rome, l'hiver dernier, répondit Maxime. À part les francs, la trouvaille est d'un autre. Puisque tu tiens album de figurines cosmopolites, j'ai bien envie de te crayonner pour ta série celle de l'original, grâce auquel je possède ce bijou. D'ailleurs, tu as vécu à Rome, toi aussi. N'as-tu jamais entendu parler d'un grand excentrique, un bien gentilhomme français du nom de La Rochette? Le collectionneur de pierres gravées? Précisément, tu l'as rencontré. Et sur ma réponse négative, alors il faut que je t'en parle, comme si tu n'en savais rien. Imagine-toi un vieillard tout frêle, tout menu, avec une face aussi émaciée que celle d'un Saint Bernardin de fresque. Habillé de noir l'été comme l'hiver, il porte une redingote râpée, élimée, transparente, mais sans une tache, et toujours, été comme hiver, un par-dessus au bras, en vieux romain qui redoute la tramontane et les passages du soleil à l'ombre. Coiffe ce personnage d'un chapeau à haute forme en drap, d'un noir mat aussi. Tu aurais le bonhomme, si je pouvais te rendre le feu de ses prunelles brunes, le pli méprisant de sa bouche et, cela ne se traduit pas avec des mots, répandu sur toute sa personne cet orgueil du connaisseur pauvre qui a dans sa poche 30 ou 40 pierres antiques, dont la moindre vaut 5 000 francs. Mais elles ne sont pas à vendre. Et mon La Rochette déjeune au café Gréco, par économie, d'une tasse de café et d'une flûte de pain qui, moyennant 4 sols, le conduiront jusqu'à 6 heures. À ce moment-là, une table d'hôte à 20 sous par tête le voit s'asseoir parmi de pauvres prêtres et des pèlerins au rabais. Ceux-ci ne soupçonnent guère qu'ils ont à côté d'eux le plus fin connaisseur peut-être en objet d'art qui soit dans toute l'Europe. 24 sous de nourriture, 10 sous de logement. Notre homme habite une chambre meublée qu'il paye 15 francs par mois et, depuis 40 années qu'il mène cette vie, courant l'Italie d'un bout à l'autre, sans jamais laisser son adresse à son appartement de Rome, le sire de La Rochette a pu, avec 3 ou 4 000 francs de rente, ramasser sa merveilleuse collection. Il ne paye jamais une de ses pierres plus de 50 francs. J'en ai vu les empreintes, à son insu, chez un de ses amis. C'est un musée et il est unique. Est-ce qu'il n'augmente pas ses revenus en envoyant quelques articles d'art à un journal ou à une revue? On m'a montré une philippique de sa façon, si je me rappelle bien, contre nos jeunes gens de la Villa Médicis et une de leurs expositions. Le morceau avait causé quelques rumeurs, me semble-t-il, dans ce petit monde. Est-ce exact? Très exact, reprit Maxime. Et c'est même par un de ces articles consacrés à ton serviteur que je fis sa connaissance, un très dur article, ma foi, sur mon arrivée à Rome, et qui ne me laissait guère pressentir que je lui donnerais un jour ce divin Pesellino. Mais tu sais mon opinion sur la critique. Qu'est-ce que vaut le jugement de gens qui n'ont jamais tenu un pinceau et qui ne savent pas comment un tableau est fait? Nous en étions là de nos relations, c'est-à-dire que j'avais entendu parler de sa collection et de son avarice, de ses manies et de sa sagacité, de ses enthousiasmes pour l'Antiquité ou la Renaissance, et j'avais éprouvé à mes dépens l'intransigeance de sa sévérité contre les modernes. Un hasard me fait assister au dernier moment d'un de ses amis intimes, dont tu connais au moins le nom, Sovia, l'archéologue. Quoi? Pas même le nom? Ayez donc du génie pour sombrer ainsi tout entier. Sache seulement que cet inconnu a renouvelé l'histoire de l'architecture chez les Romains. Je t'expliquerai cela en détail. Il était savant, celui-là, comme La Rochette est collectionneur, avec l'âme de son âme, l'être de son être, ce qui l'a mené à mourir dans un garni de la Via Sistine, tellement pauvre que si je ne m'étais pas trouvé là, moi et un autre, il n'aurait eu ni remède dans sa dernière maladie, ni enterrement convenable, ni tombeau. Quelle pitié! Maxime paraissait avoir oublié à ce souvenir le Pesellino, qui continua à m'envelopper de son magnétisme de beauté sans que je saisisse par quel détour la mort misérable de l'archéologue Sovia et les manies du sire de La Rochette se rattachaient à cette adorable peinture vers laquelle mon regard revenait toujours. Fauriel s'en aperçut et, répondant à ma muette interrogation, il continua. J'arrive, roi mage, prends patience. Rappelle-toi le proverbe toscan, comme ce panneau, Si dies gambetta, et vendrai la tour vendetta. Assieds-toi et balance tes jambes, et tu auras ta vengeance. Mets le mot histoire à la place de vengeance et écoute. Il y avait 8 jours que nous avions suivi à cette personne, le prêtre compris, le convoi du pauvre Sovia. Lorsqu'un matin, mon domestique m'apporte, dans l'atelier que j'avais loué pour la saison place de la Trinité des Monts, la carte de Monsieur de la Rochette. « Pour de l'audace, c'est de l'audace », pensais-je, en me remémorant l'article dont je t'ai parlé. Puis, tout haut, « Faites entrer ». Je vois apparaître le fantastique individu que je t'ai décrit, et aussitôt, « Monsieur, me dit-il, je vous ai attaqué parce que je n'aime pas votre peinture. Non, monsieur, je ne l'aime pas, et vous-même, vous ne pouvez pas l'aimer, avec le don que vous avez reçu de Dieu. Mais vous vous êtes conduit vis-à-vis de mon cher et grand Sovia en homme de cœur. Je n'étais pas là. On n'a pas pu me prévenir. On n'avait pas mon adresse. Sans cela, je vous aurais dit plus tôt, merci, malgré votre peinture, monsieur. » « C'est une entrée en matière, » fis-je en riant. « Et qu'as-tu répondu ?»« J'aurais dû me fâcher, n'est-ce pas ?» repartit Maxime. « Car enfin, monsieur, si vous n'aimez pas ma peinture, qui vous force à la regarder et à m'en parler ?»« Eh bien, je n'eus sur le coup qu'un sentiment, celui que cet original bonhomme était d'une parfaite bonne foi et que, de sa part, cette sortie extravagante était légitime. Ce que je lui répondis, tout uniquement que je le remercie moi-même de sa franchise et de sa démarche. La conversation continua, comme il était naturel, sur cet infortuné Sovia, et elle tourna, puisque nous étions en Italie, non moins naturellement sur les choses de l'art. Toi et moi, nous avons assisté des milliers et des milliers de discussions esthétiques, depuis quelques 15 ans, n'est-ce pas? Eh bien, jamais ni toi ni moi n'avons entendu une parole plus éloquente que celle de cet homme parlant du 13e, du 14e et du 15e siècle. Pour lui, la décadence commençait avec Raphaël. Il aurait, je crois, traité l'adorable Sanzio de malfaiteur, s'il l'avait osé. Beaucoup de tes confrères et de gens du monde, qui professent des opinions de ce goût, confondraient d'ailleurs Giotto et Botticelli, l'Angelico et le Pérugin. Chez La Rochette, la passion pour les primitifs était d'une autre qualité. Au fond, ce collectionneur de pierres antiques avait une nature de moine. Il éprouvait, et ne s'en cachait pas, une constante, une furieuse révolte devant le monde moderne. Il en haïssait tout, passionnément et enfantinement. Les religions et les machines, les idées démocratiques et le téléphone, l'idolâtrie de l'argent et le phonographe. Sa misanthropie contemporaine, encore exaltée par une dévotion fervente, trouvait son apaisement dans cet art incomplet des premiers maîtres, tout pénétré de sérieux tragiques et de foi profonde, d'ardent civisme et de conscience professionnelle, avec ce réalisme idéaliste, si l'on peut dire. Dès ce premier entretien, et quand j'eus constaté que cet homme connaissait, tableau par tableau, fresque par fresque, rétable par rétable, cette immense, cette infinie production italienne, il m'apparut comme le plus étonnant amateur d'art que j'eusse jamais rencontré. Un amateur, non. Un véritable artiste, oui, un artiste en regard et en compréhension. Tant il avait joui et souffert de ses innombrables peintures, contemplées de ses yeux des heures entières. Ce n'était point là sa spécialité, pourtant, puisqu'il était célèbre chez les dilettantes par son petit musée de pierres gravées, travail patient de 40 années et plus. Et il trouvait encore le temps de composer des articles comme celui qu'il m'avait consacré et qu'il publiait dans je ne sais quel journal imprimé en français à 10 exemplaires. « Ces poètes d'idées sont tous des fanatiques, » lui répondis-je. « Il est probable qu'ils croyaient accomplir une œuvre pire en exécutant l'art actuel dans ta personne. N'as-tu pas eu la curiosité de le faire causer là-dessus ?»« Je n'ai pas eu le temps, » reprit Maxime. Au cours de cette première visite, il eut le bon goût, ou la faiblesse, comme tu voudras, de ne plus m'entreprendre sur ma peinture. Que pouvait-il d'ailleurs ajouter un jugement exprimé avec cette netteté tranchante comme un couperet de guillotine. J'aurais dû dire, au cours de cette unique visite. Il était venu me voir en janvier, et jusqu'en avril, il ne remit plus les pieds dans mon atelier. Je ne le rencontrai plus dans les rues de Rome. Je n'en entendis plus parler. Pourtant, il m'avait dit en me quittant, « Vous serez récompensé de ce que vous avez fait pour mon cher Sovia. d'un ton si solennel et si affirmatif qu'il ne m'avait pas laissé de doute sur son intention d'acquitter lui-même cette dette de reconnaissance. J'attendais avec une curiosité singulière du procédé qu'il emploierait. J'avais imaginé 20 hypothèses. La réalité devait toutes les démentir. C'était à la fin de mon séjour à Rome, dans les premiers jours d'avril. Un beau matin, je reçois une large enveloppe, avec l'adresse écrite d'une écriture carrée, presque dessinée, à croire les caractères calqués sur un ancien manuscrit. Et dans cette enveloppe, un billet de 5 lignes. Malgré tout, j'étais laconiquement prié, si j'avais gardé le respect de mon art, de me rendre à Sienne par le prochain train et d'entrer à une certaine heure dans un certain café. Le tout signé Gaspard de la Rochette avec un G et un R dignes des incunables. Et tu es allé à ce rendez-vous avec le malgré tout ? Sans hésiter une seconde. Je venais de finir mon meilleur portrait, je crois. Celui de Miss March, la plus jolie girl de la colonie américaine à Rome. Ma saison avait été très heureuse de toute manière. J'étais d'humeur à recevoir les pires coups de boutoir sans en souffrir. J'ai mon étiage, moi, pour ce que je fais. Il est humble, mais infaillible. C'est le contentement de mes modèles. Qu'est-ce que je veux peindre ? Des femmes d'aujourd'hui. Et si elles se reconnaissent, si elles se retrouvent dans ma peinture, telles qu'elles se voient dans leur glace, j'ai réussi. Les plus savants critiques n'ont jamais ébranlé en moi ces certitudes. Donc, solidement cuirassé contre les épigrammes possibles du quattrocentiste La Rochette, je débarque à Sienne, la vieille ville rouge, par le plus adorable matin du printemps toscan. Je sens encore la fraîcheur, délicieuse sous ce ciel brûlant, de ces rues étroites, des couloirs d'ombre entre des palais. Je me revois suivant le labyrinthe des lacis d'allées. Je demande mon chemin à un promeneur complaisant qui me répond « Et moi aussi je descends dans Campanze ». Il parlait d'un autre quartier de la ville comme d'une autre ville, tant cette cité du Moyen-Âge est demeurée intacte dans ses divisions d'autrefois. Une devanture d'un humble café se dessine dans un angle, avec une vue sur le Campo, cette place en fer à cheval que domine la svelte tour du Mangia, admirée par Léonard. Et derrière la vitre, penchée sur une divine comédie ouverte à côté d'une demi-tasse, se dessine le sévère profil d'une vieille amie de Sovia. Ah, c'était un homme de peu de paroles, quand il ne s'agissait pas de théorie d'art. Bonjour, bonsoir. Et 5 minutes après mon arrivée, nous étions en voiture qui roulions de compagnie vers San Biagio. Le château derrière Belcaro, dont le propriétaire avait cette galerie pleine de faux sodomas, il en demandait 20 000 francs l'un. Ce n'est certes pas là que vous avez déterré le Pesellino. J'y ai tant fouillé, moi qui te parle, voici 4 ans. Tu n'avais pas le vieux La Rochette pour guide, continua Maxime. Puisque tu te rappelles le château, tu dois percevoir en pensée les chemins sur les collines pour y accéder, leurs chênes verts, leurs pins parasols, les fûts ajourés des antiques oliviers, les carrés de vignes sur la terre jaune des pentes et les crénogales des remparts, découpés en queue d'hirondelle. Peut-être n'as-tu pas oublié non plus le propriétaire, cet étonnant comte de San Biagio, à qui tu aurais donné 2 sous dans la rue, un rustre qui fleurait le gorgonzola et le vin, avec des yeux futés dans une face hirsute de contadino. La Rochette m'avait dit, vous allez acheter les tableaux que je vous indiquerai en les marchant en ferme, puis vous demanderez pour les compléter de panneaux qui sont en haut d'un meuble, dans la sacristie de la chapelle. Vous direz que c'est à cause des cadres. » Et il s'était tu, sans plus répondre à mes questions. Je m'attendais à rencontrer, dès le premier regard, un chef-d'œuvre inconnu dans le lot. Juge de ma désillusion quand je me heurte, une fois le pont-levis passé, au sordide buveur de Chianti qui possédait ce romantique manoir, et lorsque je vois, dans cette sacristie où il tenait le reste de sa collection, la 50aine de toiles, toutes falsifiées, truquées ou retouchées, celles qu'il n'avait pu brocanter même à des gogos anglais. Pourtant, il émanait du passionné La Rochette une telle autorité que je marchandais les 4 tableaux désignés, 4 abominables rossignols que le comte osait présenter comme roba di 500. Il me les avait fait 1 000 francs chacun. J'offre 1 000 du tout. La discussion dura une mortelle demi-heure. Après quoi je feignis de découvrir les 2 panneaux hissés sur le haut de l'armoire. Les cadres en étaient du plus banal caractère et les peintures. Sous une enluminure ignoble d'or criard et de bleu de Prusse, impossible d'y reconnaître la touche d'un maître. À la seconde où j'articule cette offre, je regardais La Rochette. Je pus voir que l'émotion lui faisait trembler les mains. Bref, pour 12 sans lire, nous emportons les 6 pièces. Une fois remonté dans la voiture, mon compagnon prit un des deux panneaux et me le montrant. « Il y a 20 ans que je suis à la recherche de ceci, » me dit-il. « C'est un fragment d'une prédella de Pesellino. J'en ai trouvé la première trace dans les archives d'Arezzo et j'ai suivi la filière jusqu'ici. Vous allez voir, vous allez voir !» Et ce que je vis en effet, quand, enfermé dans une chambre d'hôtel, nous commençâmes à nettoyer cette peinture avec de l'esprit de vin, délicatement, couche par couche. Ce fut un miracle de résurrection. L'or et le bitume partaient sous l'éponge et la serviette, par grumeaux et par rouleaux. Au fur et à mesure que les repeints disparaissaient, ce chef-d'œuvre se dévoilait. Il était 3 heures quand nous attaquâmes cette besogne. À 10 heures, nous y étions encore. Le vieil amateur n'avait pas menti, m'écriai-je en regardant de nouveau le petit chef-d'œuvre. S'il a voulu te payer ta bonté pour Sovia, il l'a fait royalement. 1 200 francs, cette merveille, mais elle en vaut 50 000, 100 000. Ce n'est pas un cadeau d'argent qu'il a entendu me faire, interrompit le peintre. Cet adorateur des primitifs était plus compliqué que cela. Entre parenthèses, j'ai su depuis qu'en me procurant à cette occasion d'un pareil achat, il avait manqué au plus invétéré de ses principes. Personne, tu m'entends bien, personne, n'a jamais pu lui soutirer un conseil sur le plus ou moins de valeur d'une œuvre. L'art ne s'achète ni ne se vend. C'était une de ses maximes. Non, le vrai motif de ce que tu appelles si justement un royal cadeau, tu vas le comprendre. Une fois le panneau nettoyé, et quand nous l'eûmes là devant nous, qui remplissait de sa splendeur de chef-d'œuvre cette misérable chambre d'hôtel, le vieillard posa sa main sur mon épaule avec la même solennité qu'il avait eue pour me promettre une récompense de ma bonté envers Sovia. Puis, fixant ses yeux sur les miens, avec une fureur presque haineuse, « Donnez-moi votre parole, » me demanda-t-il, « que jamais vous ne vendrez cette adoration d'image. » « Je vous la donne, ma parole, » lui dis-je, « et qu'elle restera toujours dans votre atelier. » « Et qu'elle restera toujours dans mon atelier. » « Et que vous la lèguerez au Louvre après votre mort. » « Et que je la lèguerai au Louvre après ma mort. » « Alors, » continua-t-il, « si cette noble et haute chose ne vous fait pas sentir que vous ne devez pas continuer à déshonorer votre talent par des œuvres indignes, c'est que vous êtes un criminel. Entendez-vous, un criminel ?» Et avant que j'eusse pu lui répondre, il avait disparu, me laissant plus stupéfié de cette brutale et insolente sortie que je n'ai jamais été de ma vie, en tête à tête avec ce joyau. « Et tu n'as plus revu cet étrange homme ?» interrogeai-je après un silence. « Je ne l'ai plus revu, » répondit Maxime. « J'en suis bien heureux, car je lui dois les plus mauvais moments de ma vie d'artiste. Mais oui, croirais-tu cela, toi qui me connais si ferme, si indifférent à ce qui se dit ou s'imprime sur mon travail. Cette furieuse haine de ma pauvre peinture, quand je la rencontre chez les confrères, je me dis, c'est là-bas sans vie. Chez les journalistes, c'est la crasse ignorance. Chez un homme que j'avais constaté si fin, si intelligent, si délicat, puisque je l'avais vu à ce point touché de mes procédés pour son ami, une telle sévérité ne pouvait plus s'expliquer de la sorte. Peut-être aussi un irrésistible hypnotisme émane-t-il de certaines personnalités très volontaires, très convaincues. Bref, rentré à Rome, j'examinais par le menu les esquisses et les tableaux de mon hiver. 48 heures plus tôt, j'en étais si content, si fier. Il me sembla soudain que des écailles me tombaient des yeux, et que toute cette œuvre, dont je m'enchantais, était profondément, irréparablement médiocre. Je me souviens. Comme si j'eusse obéi malgré moi l'injonction de se passionner la rochette. J'avais placé cette adoration sur un chevalet. Je la regardais. Je regardais mes toiles et mes pastels. Le frisson d'un doute mortel m'envahit, que je n'avais jamais éprouvé auparavant, que je n'ai jamais éprouvé depuis. Le résultat, veux-tu le savoir? Rentré en France, j'ai peiné 3 mois durant sur une énorme machine dans laquelle je voulais mettre une pensée, une conviction, un symbole. Est-ce que je sais, moi? M'en suis-je donné du mal à cette besogne, et pour rien? Et puis, un après-midi, comme je me promenais sur le boulevard, découragé de ce travail que je sentais manquer, je passe devant la boutique d'un marchand de tableaux. Je reconnais derrière la vitrine une toile de moi, ma paresseuse. Tu te souviens, cette jolie femme qui sort du bain et fume une cigarette, nue, couchée sur une fourrure. Deux petites bourgeoises étaient là, arrêtées. Mais les bourgeoises de Paris, cela vaut des grandes dames d'ailleurs. Et l'une disait à l'autre, « Ah, ce Fauriel, c'est mon peintre. Je ne comprends pas, quand on est riche, qu'on se fasse faire son portrait par un autre. » « Comme elle est jolie, ma chère, » répondait l'autre, « comme elle est jolie. Et puis c'est charmant avec lui. Ces femmes sont tellement des femmes d'aujourd'hui. » Et leurs yeux brillaient à toutes deux à travers leurs voilettes. Ce naïf éloge surpris là, sur cet angle de trottoir, me fit un si vif plaisir que je m'attardai moi-même, une fois les deux promeneuses reparties, à étudier mon tableau, comme s'il eût été d'un autre. Et du coup, une évidence absolument contraire à celle de Rome me fit m'écrier « Voilà le vrai !» Je venais de me ressaisir, de comprendre à nouveau que pour un artiste, la seule règle est de travailler dans sa nature. La mienne est de faire du joli, de l'élégant, du froufroutant. Pourquoi pas ? Celle d'un Pesellino ou d'un Angelico est de faire du grave, du sévère, du mystique. Ils avaient raison, et j'ai raison. » Et il riait orgueilleusement aux silhouettes mi-sentimentales, mi-galantes, éparses sur les murs de son atelier, avec la complète satisfaction de l'artiste facile pour qui l'art est une gaieté, une joie, un bonheur, et qui ne peut pas plus admettre ceux pour lesquels ce même art est une douleur, qu'il ne peut être admis par eux. J'eus la sensation, une fois de plus, de cette dispute éternelle qui sépare jamais deux races d'intelligence et de sensibilité. Je me dis à moi-même qu'après tout, Fauriel avait eu raison, comme il disait, de recommencer sa besogne de joliesse, si sévèrement condamnée par le vieux quattrocentiste. Qui sait ? En s'acceptant, comme il s'accepte, quelqu'une de ces parisiennes restera peut-être, de même que restent ces fragiles mignardises de terre cuite que nous appelons les Tanagra, et qui nous racontent les frivolités d'il y a 2000 ans, attendrissantes, dans ce recul démesuré de 20 siècles. Et puis, il se sera plu à lui-même, en essayant de plaire au public, comme à La Rochette. S'il avait su peindre, ce serait plu, en essayant de déplaire au même public. Qui décidera laquelle de ces deux manies est la plus respectable ? Enfin, cet art, un peu frelaté, en irritant à ce point le vieux collectionneur, l'a décidé à ce don de cette adoration des mages, qui vaudra au Louvre un Pesellino de plus, et un de moins, à la Galerie Nationale. Au train dont se comporte notre budget d'achat, nous en sommes à compter les belles choses que nous pouvons encore disputer à nos insatiables voisins d'outre-Manche. À cause de cela, toutes ces paresseuses et toutes ces baigneuses devraient être pardonnées à Fauriel, même s'il n'avait pas tant de talent. C'était l'Adoration des mages par Paul Bourget.